Vous aimez être à la pointe de la technologie ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec DS Active Scan Suspension, suspension révolutionnaire pilotée par caméra, DS Night Vision, vision de nuit par infrarouge, et DS Connected Pilot ouvrant la voie à la conduite semi-autonome, ce SUV d'avant-garde signe un haut niveau de technologie. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Plus d'informations sur dsautomobile.fr. C'est l'heure de remonter le temps, aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 16 mai avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 16 mai 1983, alors là jour absolument historique puisque c'est le jour où Michael Jackson exécute pour la première fois son fameux pas de danse, le moonwalk. C'est ce pas qui donne l'impression d'avancer alors que l'on recule. C'est vrai que c'est très dur à faire. Oui, et certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui, j'ai essayé moi aussi à une époque. Ce moonwalk, littéralement la marche sur la lune, est indissociable du King of Pop. En langage technique, il s'agit donc d'un backslide, glissement arrière. Et c'est donc ce 16 mai 83, l'occasion des 25 ans de la Motown, le label de légende, lors d'une émission spéciale sur NBC, que Michael Jackson va effectuer le fameux moonwalk. Dans la salle, les spectateurs sont en délire. Jackson était déjà une star, mais ce jour-là, il devient un mythe. Et après le spectacle, il reçoit d'ailleurs un télégramme de Fred Astaire en personne qui lui dit « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève, merci bon, ». C'est magnifique, mais c'est Michael Jackson, dites-moi, qui a inventé le mouvement ? Alors non, d'ailleurs, il n'en revendiquait pas la paternité. Il s'est inspiré à la fois des gamins de Harlem et du mime Marcel Marceau, et de sa marche contre le vent, vous savez, qui elle-même était inspirée du maître de Marceau, Étienne Ducroux, qui donnait l'impression de marcher tout en restant à la même place. On peut donc dire que le moonwalk est un petit peu français, d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, Jackson s'est approprié le pas de danse. Son autobiographie s'appelait d'ailleurs Moonwalk, et son premier film, Moonwalker. Vraiment, c'était sa marque de fabrique. Et le moonwalk à la Michael Jackson a aussi été, c'est vrai, beaucoup repris. Oh là là, oui, il a été inspiré d'innombrables danseurs professionnels ou amateurs, avec plus ou moins de bonheur du reste. Christine and the Queens, récemment, vous savez, s'est emparée avec talent de cet héritage. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, nous évoquerons l'as des as français de la Grande Guerre, René Fonck. Et aussi en podcast, bien sûr, sur europe1.fr. Restez avec nous dans la demi-heure qui vient, on va parler football. Je vous donne rendez-vous à 6h20 avec l'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech.